dans les trains impatients. Tu nous sens tous plongés au risque d'y croire, d'en ressortir prisonniers. Chacun rêve de l'âme sœur de ribambelle de bonheur. Les stigmates et pensées sont longues à cicatriser. On sait tous constituer une lourde carapace. De plus en plus dur à tenir, être comme un passe-lacet. Petit à petit, elle s'effrite. Sans peu l'abandonner, pris de hâte. Et sans protection, il faut la rapistoler. Je suis carré.